De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Et nous retrouvons Noémie pour De l'huile dans les rouages. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Une chronique qui a quelques chroniques d'existence maintenant. On en est déjà à la 7e et on vous invite bien sûr, chers auditeurs, à aller écouter les chroniques précédentes pour bien comprendre tout le principe et toutes les notions qui sont abordées dans cette chronique. Aujourd'hui, tu vas évoquer la météo intérieure. Alors, c'est quoi la météo intérieure ? Oui, c'est une partie importante de l'auto-empathie. C'est celle qui consiste à identifier ses émotions quand elles arrivent. Donc, je vous ai parlé la dernière fois du fait que c'était assez important de ritualiser pour favoriser ça. Donc, surtout, n'hésitez pas à mettre en place ce dont on a parlé à la chronique précédente. Donc, un, ritualiser pour favoriser une bonne météo intérieure. Et deux, ben, quand on met en place notre petit rituel, on va d'abord accueillir l'émotion qui est là. C'est pas si facile de faire ça. Non, c'est pas si facile. On peut avoir tendance à étouffer une émotion, vouloir la contrôler ou la nourrir par nos pensées. Et donc, c'est pour ça que je vous invite à remonter un petit peu dans nos chroniques si vous comprenez mieux à quoi sert chacune des émotions pour mieux l'accueillir et se rendre compte que même celles qui sont désagréables sont bonnes à être accueillies. Donc, respirez bien et laissez-vous la vivre, laissez-la vous traverser. Mais comment on va aller trouver ces émotions qui sont en nous ? Voilà, alors quand on sent qu'elles sont là, on peut s'aider de plusieurs façons pour les trouver. Alors déjà, si vous n'arrivez pas à trouver ce que vous ressentez, ça n'est pas grave. Déjà, si vous savez dire « je suis confus, je suis perturbé, en moi c'est la tempête », déjà vous avez fait un premier pas. Si vous arrivez à sortir du « je me sens bien » ou « je me sens pas bien », eh bien déjà, c'est déjà une première étape vraiment importante que vous avez franchie. Il ne faut pas culpabiliser de ne pas comprendre ses émotions. Non, vraiment non. C'est normal, c'est ok, parce que la plupart d'entre nous, en tout cas adultes, on n'a pas appris à les identifier. Les petits bouts, aujourd'hui, ils commencent à apprendre ça à l'école ou avec leurs parents qui sont sensibilisés à la communication non violente. Mais nous, la plupart du temps, on n'a pas appris, donc on doit apprendre ça tard. C'est normal au début que ce soit difficile. Et Noémie, tu as quelques astuces ? Oui, si vous avez du mal à identifier vos émotions, à mettre des mots, vous pouvez utiliser des images au début. Par exemple, faire votre météo avec la météo du jour. Comment c'est à l'intérieur de moi ? C'est nuageux, c'est la tempête, c'est soleil. Si vous êtes quelqu'un de visuel, vous pouvez dire quelles couleurs sont vous ou quelle musique vient, quelle est votre chanson du jour. Vous pouvez aussi identifier vos sensations corporelles. Ah ben, j'ai un nœud à l'estomac, j'ai la gorge serrée, des choses comme ça. Le simple fait de faire ça, ça va déjà faire avancer. Quel est votre paysage intérieur ? Ou alors faire une sorte de portrait chinois. Si j'étais un animal aujourd'hui, je serais quoi ? Si j'étais un plat, si j'étais un pays, plein de choses comme ça. Ça va vous aider à cheminer sur votre connaissance de vous-même. Et plus loin, si vous voulez vraiment mettre des mots, bah, je vous invite à trouver des listes d'émotions ou des cartes que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Vous regardez la liste ou vous feuilletez vos cartes chez Papa Positive ou chez l'Apprenti Girafe. Vous avez des supports super bien faits. Et en regardant la liste, ça va vous sauter aux yeux en fait. Vous allez voir, ah ben oui, je suis comme ça. En fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça va vous aider fortement à identifier vos émotions. Et c'est possible avec les enfants ? Et oui, c'est possible avec les enfants. La prochaine chronique, j'en parle. À très bientôt. À bientôt. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.